بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره مكتفى من بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فدخلنا أمس في الفصل الذي يتحدث عن ضد التوحيد الذي هو الشرك ونبي بكي إن شاء الله تبارك وتعالى أمس لانفيرج التوحيد كي الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك نبي بكي لغة c'est quoi l'association يعني جعل الشرك شريكا وشرعا سوى جاكوا لكن le fait de donner un égard à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est spécifique. Voilà. Dans les choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelles sont ces choses qui sont spécifiques à Allah azza wa jal? Al-Rububiyya, Al-Asma wa Sifat. Al-Asma wa Sifat, adha huwa. Fa-shirku ka tawhid, yanqasimu ila thalatha. On a pu voir, inshallah, tabaraka wa ta'ala, dans la définition, que les shirks qui peuvent entrer dans certains aspects. Avec la parole d'Ibn Qayyim, je me rappelle. Non, il a dit que le shirk peut être de trois aspects dans les actes, dans les paroles. Dans les paroles. Dans les paroles. Dans les paroles. Dans les croyances et dans les intentions. Dans les croyances. Ou l'iradat. Non, c'est ça. فهذا هو يدخل في هذه الأنواع الثلاثة في الألفاظ في النيات أي المقاصد وفي الاعتقادات نعم إها هنا الجامع on va dire celui qui a réuni et qui a compilé ce livre là قال وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر شرك أصغر وشرك خفي فالإفوكي كتوحيد قسم له ثلاثة أنواع qu'est-ce qu'on avait pu répondre par rapport à cela Ça c'est pas correct dans le sens où le shirk al-khafi c'est ça, oui. imperceptible, il peut rentrer dans l'akbar ou dans l'ashrab, donc c'est en réalité c'est pas une catégorie en lui-même. C'est pas une catégorie à part, hein. Le shirk al-la. Voilà exactement. Le shirk al-akbar il peut être, يعني ظاهر وخفي. والأصغر كذلك ظاهر وخفي. Apparent et dissimulé, يعني. ففي الحقيقة سأقول كي مرجوح الشرك ينقسم لقسمين شرك أكبر وشرك أصغر الأكبر والأصغر يدخلان في الأنواع الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى سبق كل الشرك الأكبر كم الأصغر يبغى ندخل في الألفاظ في النيات وفي الاعتقادات نعم الشرك الأصغر سكوا ديفرنس بين الأكبر والأصغر الشرك الأكبر il fait sortir la personne de l'islam et tous ses œuvres seront annulées. Wa shirk al-asghar il va annuler l'œuvre dans laquelle il a fait le shirk al-asghar mais cette personne-là ne sort pas de l'islam. Lakin ça fait partie des plus grands kabair. Alors ce qu'on dit le shirk al-asghar c'est pour faire une différence du akbar. Il n'y a pas un petit comme ils disent dans la comment ça s'appelle la définition le petit shirk. Ça minimise un peu la gravité du shirk. Le shirk il est c'est le plus grand des péchés. Le shirk al-asghar, parmi les péchés qu'il ne faut pas sortir de l'islam, c'est le plus grand des péchés. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل. Le plus grand des grands péchés, الإشراك بالله سبحانه وتعالى. Et pareil, ce terme-là, il englobe les deux shirks, le asghar et l'akbar. C'est-à-dire, الآن, قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, celui qui tue une personne, un mu'min, بدون حق أو يشوي عن كافر يعني parmi les مستأمن ceux qui rentrent dans la catégorie des sangs qu'on ne doit pas verser فهذا c'est le shirk al-asghar c'est-à-dire qu'il aura fait l'ostentation dans la prière c'est beaucoup plus grand et plus grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de tuer يعني des centaines de personnes c'est beaucoup plus grand قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله l'appellation du shirk al-asghar il faut faire attention yani. C'est un péché que lorsqu'il meurt à la sahih s'il n'a pas fait tawbah Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Catholique, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas, comme il a évoqué. Hein? Le petit aussi, comme on a pu voir. Ensuite, il avait dit, الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى ولا يقبله معه عملا. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et كذلك, que le shirk, on a pu voir à travers la adilla qu'il a évoqué, que le shirk, il ne fait pas de séparation entre yani les personnes qui associent. Toute personne qui associe, que ce soit un malak, que ce soit un nabi, si jamais il associe, son œuvre sera annulée. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, la in ashrakta la yahbatan 'amaluka wa la takunanna min khasir. Il fait pas de distinction au shirk. Que quelle que soit la personne, ça annule directement l'œuvre. Ensuite, on était entré dans, il avait dit ash-shirk al-akbar arba'atu anwa'. Donc il a évoqué des anwa', d'autres aspects, yani par rapport au shirk al-akbar. Il avait évoqué le premier, il avait dit shirk ad-da'wa. Et comme on avait pu voir, arba'atu anwa', fil haqiqa, revient à trois anwa'. On revient à trois catégories qu'a évoqué Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fil lafz wa al-iradat wa al-i'tiqadat. Fil haqiqa, ça revient à ces trois points là. Fa huna qala ash-shirk ad-da'wa bi ma'na le shirk yani par la demande. Yani annahu yad'u ghayra Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la shak wa rayba fi annahu shirkun billah subhanahu wa ta'ala. Lakin, comme on a pu voir, à partir de trois conditions. Si jamais une des trois conditions n'est pas réunie, ça devient du shirk. Billahi azza wa jalla, yani dans la demande. Yani, il faut qu'il soit hay, il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il soit présent. Et la présence, yani, ça peut être une personne qui n'est pas devant toi, laquelle qui peut, inshallah, yani, exécuter, ça rentre un peu dans. Yani, qu'il ait la capacité. Parce qu'il y a des gens qui sont présents, laquelle qui sont loin, mathalan. D'un coup de fil, tu peux lui demander une chose et lui, il répond à cet appel-là, tu vois. Donc la présence, c'est pas yani, la présence physique, yani. Forcément, c'est pas forcément cela. Non. Enfin, si jamais une des trois conditions n'est pas réunie, ça rentre dans le shirk akbar. Ça rentre dans le shirk yani, qui fait sortir de l'islam. Parce que là, il a demandé une chose, fima la yaqdir alayhi illallah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc ensuite, il avait évoqué la dila par rapport à cela. On avait pris kataleka, la deuxième catégorie, qu'est le shirk niya wal irada wal qasd. Non. On avait pu voir que, que cette catégorie-là, c'était la plus khatira, jiddan. Sharki yani fil maqasid wal iradat. Et on avait évoqué la parole qui montre cela, la parole de Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Fal insan il est daiman yani confronté à couler. Yani min al yawm alladhi asbaha baligan. Qu'il est devenu yani pubère. Donc yani les ordres et les interdictions lui sont avisés jusqu'à ce qu'il meure. C'est comme si jamais il était dans ce bahra là. Fait à tout moment il peut se noyer. Est-ce qu'il a une pause yani, pour se reposer? Il n'a pas de pause. Da'iman. Da'iman, il est dans le combat de repousser le shirk fil iradat. Kama qala al-ulama, kama qala al-salaf, li'annaha qad tanqalib alayya saha. En un moment, il peut se retourner contre moi. En un moment, il peut se retourner contre l'insan. Fa al-shirk, yani fil maqasid, al-insan la budda annahu yani da'iman yas'al nafsahu, yani yaraji' nafsahu. Pour qui je fais ça? C'est important. C'est important. Daiman. Parce que l'an, innama l'a'malu bin niyat. Et des a'mal, yani, fil yom wa layla, on en a kathiratun jiddan. On en a énormément. On a beaucoup d'œuvres, yani. Al muslim, il a beaucoup d'œuvres à faire, yani, dans la journée. Fait chaque œuvre, elle est basée sur niya, elle est bâtie sur niya. C'est-à-dire qu'il a fait. Lakin pour qui? Daiman se rappelle ça. Parce que des fois, quand tu rentres dans une ibada, il ne faut pas que on rentre dedans, comme l'a évoqué Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Que ce soit une habitude, une coutume. Il rentre dedans, il ne retrouve plus l'adhatu l'ibada. Ou l'adhatu ta'a, ou l'adhatu al-insiyah. Il ne retrouve plus la saveur de la soumission, la saveur de l'ibada. Donc il faut qu'il se rappelle de cela. Pour qui il fait cela et pourquoi il fait cela? Qu'est-ce qu'il recherche à travers cette œuvre-là? Jannatun na'im. Ça demande, il y a un tajdid, comme ils disent, des mises à jour. La niya, il faut la bouddha min tajdid. Parce qu'une femme, lorsqu'il prend une routine, cette routine-là peut lui faire oublier des fois, yani, pourquoi il fait cette œuvre-là. Yani, il rentre dedans comme si jamais c'était une routine. Et il oublie, yani, des fois, yani, l'ajr, al-murattab, yani, la grande récompense qui est donnée à ces œuvres-là. Fa'ala la bouddha mil أنه يتذكر الجنة qui se rappelle du Jannah. وما عبد الله سبحانه وتعالى لمن مات على توحيد ومات على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. Ça, ça le pousse à œuvrer. Si jamais il se rappelle des faveurs dont Allah عز وجل a réservé pour aller au Jannah. Et كذلك si jamais il a على علم بالتفاصيل الجنه des détails qu'il y a dans le Jannah. Tout ça, ça va faire que sa niya, inshallah, da'iman asra lillahi azza wa jal. Da'iman il la révise. Pourquoi? Pour pas que ce khair là qui est le Jannah lui passe sous le nez. Donc da'iman, il faut que on sache yani, pour qui on fait cela et pourquoi on fait cela. Et ça, ça demande de réviser. Ça demande de réviser énormément. Parce qu'on sait, la personne, tu vas lui dire pour qui tu fais cela, il va dire je fais pour Allah. Pourquoi je fais cela? Lakin, est-ce qu'il retrouve cette saveur là? كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الصلاة قرة عيني comme l'a dit Cheikh Al-Islam Ibn Qayyim رحمه الله certains rendent العبادة et ما تأنتهي quand est-ce qu'on va finir يعني ils sont la عبادة لسقيلة عليه بالعكس il dit رحمه الله تعالى il doit se dire يعني, je ne souhaite pas que ça s'arrête il faut qu'il soit dans la عبادة et qu'il ressente cette saveur là Il faut qu'il ressente ces saveurs-là et l'envie de continuer de ne pas s'arrêter. La chaque fois, il faut qu'il sorte de la prière. Lakin, il faut qu'il retrouve une ladha, yani, fi al-sujoud, il-akhiri, fi al-ibad, alati, yu'addi lillah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça demande de réviser les intentions. De réviser da'iman les intentions. Naam. Pour pas qu'elle soit l'erreur illahi azza wa jal, parce que là, c'est al-khasara, c'est la grande perte. Mais kazalika, pour que, inshallah, tabaraka wa ta'ala, yishammir fi al-ta'a wa fi al-ibadah. يعني كي سوا كي سنبرز غير لي بون زيف اي كي ريسونت كاني كسو خفيف عليه كما قال سبحانه وتعالى وانها لثقيله الا على الخاشعين ابد devenir lourd la prière lakin excepté pour ceux yani qui prient pour Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité donc ça ça redemande de lire yani dans les livres qui rappellent l'enfer qui rappellent le jannah qui rappellent la uqubat Allah subhanahu wa ta'ala la grandeur d'Allah azza wa jalla de as-salaf كذلك de regarder comment ils étaient comment ils s'y prenaient pour يعني دائما réviser leurs intentions ça demande un effort de révision et de continuité dans cela فالنيات هي الامبورطون جدا انما الاعمال بالنيات on a des œuvres dans tous les sens donc il faut qu'elle soit inshallah يعني لله عز وجل on retrouve cette savoir là de vouloir يعني الجنة نعم قال رحمه الله تعالى on avait pris l'ayah par rapport à cela نعم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم فهذه الآية كذلك أمضح يعني لستوبيديتي دي الشرك ونبي بوكي كذلك الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ابن قير رحمه الله كذلك ها هنا يلوك سبحان الله ان قول جيد كي ديك الله سبحانه وتعالى الى rendu vain et caduque toutes les prétextes les excuses que les personnes ont pour associer à الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله appelez les gens dont Vous prétendez qu'ils sont des alihas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wal ardh. Ils ne possèdent rien du tout. Donc pourquoi adorer une personne qui ne possède pas mithqal, yani un atome, de ce qu'il y a dans les cieux et la terre? La personne qui adore, il adore parce qu'il recherche soit un bien ou bien il recherche à se préserver d'un mal. Qala wa ma lahu minhuma min shirkin, wa ma lahum fihima min shirkin. Et ces personnes-là n'ont pas une part dans la création. Peut-être qu'ils ne possèdent pas, là, ils n'ont rien du tout, mais peut-être qu'ils ont une part, il y en a de la création, ils ne possèdent rien du tout. وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ Et Allah Azza wa Jalla n'a pas de... يعني, الظهير بمعنى المعاون, celui qui aide. Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même et il n'a besoin de personne. C'est-à-dire que ces personnes ne sont pas des associés, mais peut-être que ce sont des personnes qui aident Allah Azza wa Jalla. Donc ils ont peut-être une part, يعني, que tu leur demandes. Ils ont rien du tout. بَقِيَ الشَّفَاعَ Peut-être qu'ils ont au statut auprès d'Allah Azza wa Jalla. قَالَ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَى لِمَنْ أَذِنَ لَهُ Donc ça ne sert à rien d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quoi qu'il en soit, yani les portes sont fermées. Et tout est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْإِرَادَةُ وَالْمَقَاصِدُ كَمَا قَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَخَطِيرَةٌ جِدًّا قَالَ كَالْبَحْرِ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ قَالَ وَقَلَّ مَنْ يَنْجُو et peu sont ceux qui s'en sortent. Enfin, quoi qu'il en soit, l'insan il est confronté à ce que sa niya se retourne contre lui, comme il a dit, parce qu'il est dans ce bahra là. Ce bahra là, c'est le fait qu'on soit confronté daïman tous les jours à quoi? À ce que notre niya se retourne contre nous. Pourquoi? Parce que innamal a'malu bin niyat, et on a beaucoup d'œuvres dans la journée. Donc à tout moment, l'une de ces œuvres là qui est bâtie et qui se repose sur une niya peut se retourner contre nous. Donc ça demande yani un tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala et un khouf min ash-shirk. Parce que celui qui a peur du shirk, il va préserver son tawhid, il va faire tous les asbab, les causes yani pour pas perdre son tawhid, parce qu'il sait que si jamais il le perd, c'est la grande perdition. قال رحمه الله تعالى قال الثالث شرك الطاعة وفي الحقيقة هذا شرط dans l'ibada. Shirk al-ta'a, là il va évoquer beaucoup de choses, ça rentre dans l'ibada, peut-être il va évoquer les choses dans lesquelles yani yujad al-shirk, yani kathiran. Lakin fil haqiqa, hada kazalika, ça rentre peut-être dans l'i'tiqadat. Yani y'a'taqid anna ghayr Allah subhanahu wa ta'ala yuta'a. Comme qu'on peut obéir, yani, au pied à la lettre, yani à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de A à Z. Ça peut entrer dans l'i'tiqadat, mumkin yam. Fa hada al-shirk, yani ça fait partie de l'ibada. هذا الشرك ça fait partie du shirk fi al-ibada parce que la ta'a Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné qu'on obéit. Qul atti'u Allah wa atti'u ar-rasul. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne une chose, comme on a pu voir, c'est qu'il aime et l'agrée. Donc si il aime et l'agrée, ça fait partie des ibada par rapport à la définition qu'a donné Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala par rapport à la ibada. Fa ash-shirk at-ta'a, quand est-ce que ça devient du shirk, yani alladhi yukhrij sahibahu min al-islam? À partir du moment que yataqid qu'il a la possibilité d'obéir mutlaqan, complètement, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans l'aya التي بعدها, قال والدليل قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. قال وتفسيره الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. Il nous évoque هنا l'explication de ce verset là et on va rajouter inshallah d'autres choses. قال وتفسيره اي l'explication de ce verset là الذي لا إشكال فيه, l'explication dans laquelle il n'y a aucun doute et que toute personne accepte et que ça fait partie du shirk yani d'obéir à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال طاعة العلماء والعباد في المعصية, c'est le fait de d'obéir aux ulama et aux ubad, et kazalika al umara, il y a toute personne qui a un droit sur toi, kazalika al aba, yani yaqsud al walidan, toute personne qui a un pouvoir sur toi, qui a une tutelle sur toi, si jamais tu lui obéis fi marsiatillahi azza wa jal, fa hadha in kana tamam ya'taqid, donc cette marsia là que elle est halal, يعتقد que يجوز له بعد البيان, on lui montre, on dit ça c'est une marsia, là يجوز qu'il le fait, il dit نعم, cette marsia là يجوز مثلا, tu dis alors مثلا, je vais prendre un exemple qui est stupide, يعني le khamr يعني c'est haram, il dit le khamr c'est halal, كيف يا أخي الله عز وجل قد حرم الخمر في كتابي لكن أبي قال لي حلال لكن العالم الفلاني قال لي يعني حلال ولكن العابد الفلاني قال لي حلال ولكن الأمير الفلاني قال لي حلال. Ça s'appelle yani istihlal. Yani rendre licite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu illicite. C'est-à-dire avoir la conviction que ces choses-là, elles sont licites après que le bayan lui était parvenu que c'est illicite. Al bayan al-wadih, dans lequel yani, il n'y a pas de ta'wid, d'interprétation. Il y a des choses dans lesquelles, fi khilaf, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, ça ne rentre pas dedans. Lakin on parle des choses qui sont wadihatun jiddan, qui sont des ma'asi jiddan, yani qui sont. كشمس يعني في ربيع النهار يعني qui sont évidentes et il vient et dit بل يعني يجوز ou bien عكس تمام des طاعات qui voient que c'est haram après le bayan ويستحرم ذلك الى العقيدة الى la conviction que ces choses là les haram après le bayan elle واضح que ces choses là ça fait partie des obligations ou bien des مستحبات des choses dont Allah عز وجل a révélé et il dit ces choses là ce sont des interdictions. فهذا كذلك يعني ça ça fait partie du shirk yani fi ta'a كما قال هنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ففي تفسير هذه الايه ils ont dit mais ces personnes là ne les ont pas adorés, Ils ont dit, mais ils n'ont pas adoré. Comment ça se fait que ils ont été jugés yani, comme des mouchriks? Ils ont dit parce que, yani, istahallu maharram Allah. Yani, ata'u hawla al-ulama. Tam. Fima harram Allah subhanahu wa ta'ala. Istahallu maharram Allah wa istahramu ma ahallahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont jugé le licite, illicite et l'aks, kadarik. Yani, par conviction et ba'd al-bayan. Fahala shirkun fi ta'a. Ada fil haqiqa, ça s'appelle tabdil. Tam. Ça s'appelle tabdil. Changer les ahkam et dire que ces choses-là sont d'Allah azza wa jal. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. La marsia, il dit c'est une obligation et l'axe, yani kadarik. Et tout cela, il dit c'est de la religion. Ça fait partie de la religion. C'est Fulan qui me l'a dit. فهذا شرك في الطاعة من اعتقد ذلك يعني في الأشياء الواضحة que ce soit dans les معاصي ou bien dans les طاعات et les inverses. فهذا ça fait partie du شرك يعني في الطاعة. صاحبه بطلفك يعني متشبه بهؤلاء اليهود الذين عبدوا الأحبار. الأحبار c'est بمعنى c'est جمع حبر يعني celui qui a du عين. ورحبان c'est les عباد. الأحبار اتخذوا أحبارهم et علماءهم. Ils appelaient les ulama des Yahoud Ahbar. C'est pour ça qu'on dit à Ibn Abbas que le Hibr, هذه الأمة. Le Hibr, بمعنى اليهودي, يعني العالم. ورهبانهم بمعنى الزحاد. Ceux qui n'ont pas d'ilm, là, qui n'ont pas d'ibada. Ils ont oublié ces deux personnes-là. Là, qui, dans les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ils ont dit, c'est licite. Et ça fait partie du din, ou bien l'axe. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien souligné à Hona que leur ta'a, c'est une ibadah qui était vouée pour un autre qu'Allah. Parce qu'il a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Et pour autant, on leur a demandé d'adorer, c'est-à-dire d'obéir un seul ilah qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces personnes-là qui ont obéi dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en prétendant que ce sont des choses qui sont halal alors qu'ils sont haram, ils ont pris ces ulama-là et ces zuhad-là comme des ilahs. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit arbaben, qui est le jam' de rab. Ils ont pris comme des seigneurs qui légifèrent les choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ont-ils des associés qui ont légiféré des choses religieuses dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre. Donc Allah azza wa jalla a évoqué que la personne qui est le législateur nani qui légifère des choses qui ne sont pas religieuses yani qui vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est pris qui est suivi yani il a évoqué c'est de l'association. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني cette aya là c'est un peu comme celle-là. Cette aya là c'est un peu comme celle-là. Lakin celle-là c'est la plus claire comme elle a dit. تفسيرها الذي لا إشكال فيه. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ces personnes-là ont pris leurs ulama et leurs rubbad comme des seigneurs, comme des divinités. Alors qu'on leur a demandé d'adorer un seul ilah qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre que ça fait partie de l'association. Kazalika, ça rentre dedans, dans Shirk al-Ta'a, le fait d'obéir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si, mathalan, il sait qu'il doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, lakin, il a obéi à une autre personne, et cette obéissance-là, elle a fait sortir d'islam. Comme, mathalan, je vais prendre un exemple, inshallah, qui est wadih par rapport à cela. Lorsque Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il est rentré dans l'islam, sa mère, elle est venue le voir. Elle lui a dit, tu prétends que Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluk ils t'ont ordonné d'obéir à tes parents. N'est-ce pas? Qala bala, Allah subhanahu wa ta'ala et mon prophète m'ont ordonné d'obéir à mes parents. Faqalat anna ummuk, je suis ta mère, donc tu dois m'obéir. Fa'amuruka an takfur bidin Muhammad. Donc je t'ordonne de me croire à la religion de Mohammed, alayhi salatu wassalam. فقال لا أمة يعني بالمعنى الحديث يعني في مسلم. Il a dit abadan. Elle lui a dit si jamais tu ne fais pas ce que je t'ai demandé, yani je vais mettre fin à ma vie. Je vais arrêter de manger, je vais arrêter de boire jusqu'à ce que je meure. فتركها, il a laissé. Il a dit fais ce que tu veux. Elle a fait ça ayam, yani quelques jours, et ensuite elle s'est mise à manger. Yani. Elle a vu que ça ne servait à rien. Fait, il est revenu la voir. Il a dit Ya Umma, yani pour le yu'akkid alayha. Ya Umma, lo kana indaki mi'ata nafsin, fa kharajat wahida wahida ma taraktu dina Muhammad. Oh ma mère, si jamais tu aurais sans vie ou sans âme, et chacune des âmes venait à mourir, je n'aurais jamais délaissé la religion de Mohammed. Yani, tu peux mourir 100 fois. Tu peux mourir 100 fois, je ne délaisserai pas la religion. Là, si jamais Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il aurait obéi à sa mère, ça aurait fait partie du quoi? Shirk ta'a. Pourquoi? Parce que là, il est sorti de la religion par cette obéissance-là. À lui ordonner de mécroire au prophète, ça fait partie de la mécréance, yani, et du shirk, yani, kadalik. Parce que cette obéissance-là l'a fait sortir de l'islam. Mais celui qui obéit, tout en ayant l'aqida ou l'irtiqad, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qu'on doit obéir dans toute chose qu'il ordonne et qu'il interdit. Lakin, il fait partie des personnes qui ne connaissent pas, yani, qui ne sont pas indépendants ou bien qu'ils n'ont pas talab al-ilm, et qui suit un peu n'importe qui et n'importe comment. Et cette personne-là, elle lui ordonne, yani, bil jahl wa bil hawa, de désobéir, comme les personnes qui appellent à faire de célébrer Al-Mawlid. Ceux qui les écoutent, il y en a parmi les awam, qui prend ces gens-là comme des ulama, et qui les écoutent, on ne peut pas dire que là c'est shirk al-taha. Parce que eux, ils ont la conviction que ces personnes-là sont des ulama de l'islam. Et que les choses dont ils appellent, c'est les choses dans l'islam, yani. Et que Allah Azzawajal a dit que celui qui ne connaissait pas devait revenir au ulama. Donc eux, ils croient qu'ils sont en train de faire la bonne démarche. Et que ces personnes-là, ils sont en train de les guider dans la bonne voie. Lakin les égare. Toi, tu viens, tu le bayennes. Tu dis, ah, le prophète n'a pas fait. Si jamais c'était une chose, yani, dans le khair, il l'aurait fait. Et ses compagnons l'auraient fait. Et il l'aurait exhorté à cela, tamam. Tu le montres, lakin yata'assab li dhalika. Là, il a fait une obéissance. Tamam. À autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin, ce n'est pas une chose qui le fait sortir de l'islam. Parce que si jamais tu le demandes, est-ce que tu dois obéir à ce alim-là dans tout ce qui t'a ordonné et dans tout ce qui va t'interdire, il va dire non, l'obéissance est à Allah Azza wa Jalla. Et eux, c'est juste des personnes qui bayennent, yani, qui exposent, yani, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Mais celui-là, on ne doit pas lui obéir dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Fahada, ça ne rentre pas dans le premier cas de celui qui l'a pris comme ilah, yani, c'est-à-dire comme législateur. Naam. قال رحمه الله قال وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية le fait d'obéir aux ulama et aux ubad et à n'importe qui qui que ce soit. قال وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. يعني الآن cette آية là il nous montre dedans que ils n'ont pas adoré par la demande, يعني ils n'ont pas fait l'istihada ou bien l'istihana ou l'istighatha, mais lesquels les ont obéis dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils les ont pris comme législateurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils ont droit de légiférer en dehors d'Allah azza wa jal. Ou bien qu'ils les suivent dans tout ce qu'ils disent, yani, au pied à la lettre, comme ils disent. قال كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ابن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم. قال فذكر له ان عبادتهم طاعتهم في المعصيه. Et il dit cette explication là elle a été tirée du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit Adi ibn Hatim lasna na'buduhum, on les adore pas ces personnes là al ulama wa al ubad. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان عبادتهم, que cette adoration là qui a été voulue ici c'est le fait de les avoir obéis dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. طاعتهم في المعصيه وكما سبق. Si jamais la merci elle les fait sortir de l'islam, ça fait partie de chaque ta'ah. Ou bien qu'ils ont la conviction que ces personnes-là doivent être suivies et écoutées. Tamam. Dans tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Fahada kazalika, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Et ça rentre même dans l'aqid, dans le fait qu'une personne peut suivre une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait l'haqiqa, ça rentre dans ce naqid-là. Dans le naqid qu'on avait pu voir. Man i'taqada qui pouvait sortir annahu yakhruj min shari'ati Muhammad. قال رحمه الله تعالى قال الرابع شرك المحبة l'association dans l'amour, c'est-à-dire qu'il vaut un amour pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il adore un autre qu'Allah Jalla Jalalu. Parce que la ibada, elle est basée sur l'amour. La ibada, elle est basée sur l'amour et l'humilité, comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah. Wa ibadatu ar-Rahmanu ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Il a évoqué rahimahullah ta'ala fi an-Nuniyah. Il a dit wa ibadatu ar-Rahman, et l'adoration de Rahman. Qu'est-ce que c'est? Qala ghayatu hubbihi. C'est le fait de l'aimer profondément. Qala ma'a dhulli 'abidihi, avec humilité. Huma qutbani. Ces deux choses-là sont un pilier, sont des pivots sur lesquels repose l'ibada. Fait celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il l'adore par humilité, par soumission. Et il adore kadhalika bi mahabba. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi khalaqa, c'est lui qui l'a créé. Wa huwa alladhi razaqa, c'est lui qui lui donne la substance. Wa huwa alladhi waffiqu, il lui donne la réussite. Wa yu'ti kulli shay subhanahu wa ta'ala. Une personne qui te donne un bien, tu l'aimes. Yani, certains imams ils s'aiment yani, pour les biens qui sont mondains. C'est-à-dire une personne yani, qui te donne une chose qui est louable yani, fi d-din. فهذا من أسباب المحبة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala أعطانا كل شيء. L'air qu'on respire, il a créé des choses يعني, dans lesquelles في الحقيقة on a une غفلة par rapport au شكر, la reconnaissance, qui sont des choses que si jamais on nous coupe, خلاص انتهينا, il n'y a plus de vie. فالله subhanahu wa ta'ala أعطانا كل شيء. فأنا obligé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala بالمحبة, par amour, par rapport à ces grands ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et par rapport aussi à ces asma al-husna wa sifat al-ula wa al-afhal al-muqaddasa, par rapport à ces actes subhanahu wa ta'ala et ses attributs yani qui, de perfection. La perfection c'est une chose yani que al-habid ilam, il se soumet à celui qui est parfait, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Fa al-mahabba la buddha min yani fi al-ibada fi al-haqiqa hada kadhalika sa rend dans le dans le maqasid. Parce que cette ibada là, elle est obligée d'être basée sur une mahabba. Il adore une personne autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il l'aime, ou bien parce qu'il le craint, un des deux. Il pense qu'il possède un châtiment qui est avilissant, donc il le craint. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet à cette personne-là. Ou bien il a une conviction que cette personne-là yani, possède des grandes choses qui vont lui être profitables fi dunya, et dont lui on en a besoin, donc il va l'aimer, il va se rapprocher de lui, il va s'humilier bain et yadei devant lui. Fait le haqiqa, ça rentre comme les cas dans le nu'a qu'il a évoqué, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dans les intentions. Parce que la ibada, elle est basée sur l'intention, et la ibada, elle est basée sur la mahabba. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Et parmi les gens, من يتخذ من دون الله, il y a ceux qui prennent en dehors d'Allah ya azza wa jal andada, des égaux. يحبونهم كحب الله. Ensuite les ulama ils ont divergé par rapport à la au ta'wil. Certains ils ont évoqué que ces personnes là ils ont une mahabba qui est partagée, mahabba li andad wa mahabba lillah. Lakin la mahabba qu'ils ont pour l'andad elle est beaucoup plus forte que la mahabba qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min an-nas man yattakhidhu min dun Allah andada yuhibbunahum ay yuhibbuna tilka al-andad أشد من حبهم لله. Il aime, il les aime beaucoup plus fort qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Fait l'amour, il est partagé, lakin il y a une partie qui est beaucoup plus forte, elle est donnée, elle est vouée à ces andad-là, ces égaux. Et certaines personnes, ils ont dit que وَمِنَ النَّاسِ يعني, ces personnes-là يُحِبُّونَ الْآلِهَ مَحَبَّةً خَالِصَةً, une mahabba qui est pure, c'est-à-dire qui n'est pas partagée entre eux et Allah azza wa jalla. Il les aime يعني, complètement, totalement. لكن المؤمنون محبتهم خالصة, elle est beaucoup plus forte, parce que محبة في بالحق, la محبة est dans la vérité, أما هؤلاء محبة بالباطل. Donc la محبة des مؤمنين d'Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grande que la محبة dont on s'est مشرك pour les أنداد. محبة المؤمنين أشد من محبة هؤلاء لآلهتهم. Les deux tafsirs, les deux explications sont صحيحة. Les deux explications sont sahiha. Wa kama ra'ayna kalimatu la ilaha illallah la budda laha min mahabba. Tu es obligé de, celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligé d'avoir la mahabba. Comme on a pu voir, parce que c'est lui qui l'a créé ila akhirih. Fa la budda min tilka al mahabba wa mahabbatu ma dalla hadhihi al kalima. La mahabba dont vers les choses dans la paix, c'est kalima qui est ridwan Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les choses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime et il agrée. Celui qui va aimer une chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va dépendre. Si jamais cette chose-là le pousse à faire une ma'siya, il a une hawa. Comme tu le trouves, il y a des grands matchs de foot et tu vois des gens ils vont pas à la prière en commun. Mahabbatan li mushahadati hadhihi al-mubarat, par passion et par amour de ces compétitions là qui sont diffusées à la télé ou bien kazalika qui vont directement assister dans les stades. Enfin, cette mahabba là, c'est une mahabba qui est quoi? Marsiya. Parce qu'elle les a poussés dans quoi? Une marsiya, une grande marsiya qui est le fait de laisser salat al-jama'a. Si jamais la mahabba d'une chose elle le pousse à yani faire un acte yani qui fait partie de l'apostasie, fahada ça sera une mahabba qui est shirkiya. Yani comme eux, ils les ont aimés et les ont adorés. Ils ont aimé ces alihas, ces andad, parce qu'ils avaient la conviction qu'ils avaient le pouvoir d'être, nuisibles, ou bien d'être profitables. Donc ils les ont aimés, ils les ont adorés. Fahawala, c'est le mahabba qui est shirkiya. Le mahabba qui est shirkiya, parce qu'il les a poussés à faire du shirk, billah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a le mahabba, et on va le voir, inshallah, plus en détail, lakin c'est juste un aperçu. Mahabba qui est. يعني عادية كي طبيعية كي نورمال كي ناتورال كمحبة الإنسان يعني أمه وأباه وأولاده le fait d'aimer ses proches ou bien aimer يعني une personne qui te fait du bien, comme ça c'est une mahabba qui est عادية parce que elle est liée aucun ibad à aucune comment s'appelle désobéissance, comme c'est une mahabba qui est عادية. Après il y a la mahabba في الله إلى آخره. نعم. Donc, alhamdoulilah, yani la mahabba, on a évoqué, on va la réexpliquer, la basbille, laquelle on a évoqué ce qu'il fallait. N'as-salah, a'adhu wa ta'ala, yafa'ana wa yakum bima sami'ana.